c'est de sortir de l'ordinaire. Ça vient du nord, pas là pour vendre du rêve. Encore une spéciale, en espérant que ça va durer. On voit de la tuerie, tout en restant naturel. Toute l'année, tu veux que c'est les vacances. À l'ancienne, si t'es rush, arrache un petit patence. Maintenant, matin et soir, on voit plus la différence. Le temps passe, grâce à Dieu, il nous reste encore de la force. Avant de partir, il faut que ma voix patine sur les platines. À la tienne, t'es chômeur ou gars de chantier. Si t'es comme moi, t'en as marre d'être trop gentil. Nique les rumeurs et tu t'en branles de ce que les gens disent. À mes côtés, pas toxico, en train de gober. À la tienne, je lève mon doigt en l'air et mon gobelet. Mes débuts, elle corbu depuis, c'est encore pire. Les conneries, je les empile, ça plaît pas, tant pis. On a les yeux plus gros que le bide, l'impression rapé dans le vide. À la tienne, si vivre, t'en as trop envie. On n'est pas né dans un chou, on a grandi en milieu urbain. En vrai, j'suis pas rappeur, moi, juste un être humain. Fous le feu, wesh, la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait, j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Fous le feu, wesh, la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait, j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Profite de la vie, le temps ça part vite. Avec les erreurs du passé, vas-y, construis l'avenir. Pas tatouage ni de piercing, tout y est d'origine. Demain c'est loin, mais moi j'veux tout niquer aujourd'hui. Voilà pour que dalle, rafale de quenelle, attentat vocal, 59 codes postales. Depuis qu'on est gamin, la vie nous a pas fait de cadeau. J'suis qu'un être humain et j'vaux pas mieux qu'un autre. Toujours OP, odeur de sky dans l'anti-pop. Chez nous, mon pote représente tous les drapeaux. Anti-race, ton rester humain, c'est ma façon. Ça fait pas semblant et la musique c'est qu'une passion. Ma vision, que de la merde dans ta télévision. J'sais plus qu'est-ce que ça veut dire, liberté d'expression. J'suis qu'un être humain, pas en compétition. Pas besoin de te faire un dessin, vas-y mets du son. Fous le feu, wesh la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Fous le feu, wesh la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Petit budget, moi c'est les proches que j'ai de plus cher. On a grandi dans les siphonnages et les touchettes au fur et à mesure. Obligé de tricher et j'veux des fais pas chier sur mes t-shirts. Ouais, tire par la tronche, respire par où tu peux. Si t'es dans ta caisse, vas-y, tire un manche. Habitué au coup de crasse, au fur et à mesure j'encaisse. Envoie de la tease, on est loin de la vie d'artiste. Délire de nordiste dans ses histoires et ses mystères. Pas de piston, dégaine de tout pisté. Déterminé comme une finale, fini la finesse dans mes rêves. J'veux faire un festin avec les restes. Fin de soirée, on ressemble à des extraterrestres. On fait avec les moyens du bord pour la publicité dans la vie. Tranquillou, au micro, tout excité à la longue. Trop envie d'exister. Fous le feu, wesh la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Fous le feu, wesh la famille, fous pas ton pif dans la farine. Rien à foutre que tu valides, j'arrive et j'pose mes valises. Pas la peine que tu balises ou qu'un nabi, j'analyse. En fait j'fais de la musique pendant que t'es plein de jalousie. Fais pas chier.